24-22, activation orale, forme du futur. Répondez selon l'exemple. Vous entendez? 1. Je ne peux pas aller chez les Courtois, ils ne m'ont pas invité. Vous dites? J'irai chez les Courtois quand ils m'inviteront. 2. Il ne peut pas aller en France, il ne sait pas le français. Il ira en France quand il saura le français. 3. Je ne peux pas lui en parler, il n'est pas revenu de voyage. Je lui en parlerai quand il reviendra de voyage. 4. On ne peut pas servir, M. Courtois n'est pas là. On servira quand il sera là. 5. On ne peut pas passer à table, ce n'est pas prêt. On passera à table quand ce sera prêt. 6. On ne peut pas passer à table, il n'est pas 8 heures. On passera à table quand il sera 8 heures. 7. On ne peut pas passer à table, le gigot n'est pas cuit. On passera à table quand le gigot sera cuit. 8. On ne veut pas aller à Chartres, il ne fait pas beau. On ira à Chartres quand il fera beau. 9. Robert ne peut pas demander son numéro à Mireille parce qu'ils ne sont pas seuls. Il lui demandera son numéro quand ils seront seuls. 10. Je ne peux pas lui donner mon adresse. Il ne me l'a pas demandé. Je lui donnerai mon adresse quand il me la demandera. 11. Je ne peux pas lui en parler. Je ne le vois jamais. Je lui en parlerai quand je le verrai.